Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. J'ai rencontré au festival du Grand Bivouac Nathalie et Alain Antonielli, un couple de photographes qui parcourent les côtes du Groenland en kayak. Lors de leur premier hivernage, ils sont adoptés par une famille groenlandaise. Leur route croise celle d'un chasseur, et c'est là que l'histoire commence. Pendant près d'une année, ils vont vivre le quotidien des Inuits. Cette aventure a donné naissance à un film, L'âme de la banquise. Alain et Nathalie partagent avec nous un bout de leur aventure dans ces territoires méconnus du grand public. Voilà, donc on est dans l'émission Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est un moyen d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde. Et souvent, le voyage est un excellent outil pour pouvoir un petit peu sortir du carcan des habitudes et vivre une réalité différente où avant vous disiez vivre la vraie vie avec un grand V. Donc je suis avec Alain et Nathalie. C'est plus une rencontre qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vu hier soir un petit bout de film où vous interveniez à la fin pour parler lors d'un débat. Et j'ai devant moi un DVD, L'âme de la banquise. Donc avant de savoir qui vous êtes ou ce que vous faites aujourd'hui, j'ai peut-être envie de revenir un petit peu sur qui vous êtes. Nous sommes photographes, avec mon épouse, avec Nathalie, nous sommes photographes et quelque part amoureux de la nature, amoureux des zones encore authentiques. Et voilà, en gros, photographe, depuis peu réalisateur, puisque c'est L'âme de la banquise est notre premier film en co-réalisation. Avant de rentrer dans le film, je vais revenir un peu à l'itinéraire personnel. Comment est-ce qu'on devient photographe ? Que c'est le voyage qui a amené à cette profession-là ? En fin de compte, effectivement, nous avons commencé par la passion de la découverte. Donc quand on aime découvrir, mais on aime aussi partager, on aime rendre aussi bien aux gens qui sont sur place qu'à ceux qui n'ont pas l'occasion de vivre la même chose que nous. Donc on a du mal à rester, je veux dire, juste spectateur de façon égoïste. Et voilà, la photo, dans notre livre, puisque Nathalie est en train de terminer un livre, on dit « Nous nous sommes retrouvés photographes comme on embarque sur un navire sans en connaître la destination ». C'est que voilà, c'est les circonstances qui font que on fait partager au travers d'un outil qui est d'abord la photographie. Oui, donc c'est ça, la photo, c'est vraiment devenu le moyen de pouvoir partager les expériences vécues. Tout à fait. Tout à fait, et d'autant plus sur les immersions, ce qui depuis longtemps nous caractérise, c'est-à-dire quand on va sur un terrain, sur un nouveau pays, sur une nouvelle culture, on a énormément de mal à le faire de façon superficielle, donc il faut qu'on aille au bout des choses, qu'on comprenne, et donc voilà, c'est la photo. Et l'immersion. Comment est née cette envie d'ailleurs ? Quelle a été la première fois où vous vous êtes dit, ben, tiens, on va peut-être quitter le territoire, la France, pour aller voir ce qui se passe ailleurs ? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir partir et s'immerger dans une culture, dans un lieu différent ? Bah, je dirais la curiosité, la découverte, avoir quelque part l'impression d'être à l'étroit dans notre quotidien. Et puis j'aime à dire que quand quelque chose ne vous convient pas, quand on n'est pas en phase avec une routine, c'est pas parce que tout le monde fonctionne comme ça qu'il faut procéder de la sorte. Donc notre curiosité nous a souvent poussé très très loin. C'était quoi la première destination, le premier voyage, la première fois où vous avez eu envie de satisfaire cette curiosité ? Bon, nous avons eu des expériences différentes puisque nous n'avons pas voyagé après notre rencontre. J'ai d'abord voyagé seul, j'ai rencontré Nathalie, mon épouse, par la suite. Oh, bah, la première destination, c'est de partir pendant 9 mois et aborder la Scandinavie, partir en Angleterre, ne pas savoir même où aller se terminer le périple, donc ne pas en connaître la date, ni la durée, ni le tracé. Et je pense que 40 ans après, on en est au même point, quoi. Alors non, on n'a pas encore parlé du mot voyage, on parle d'immersion, on parle de découverte. Souvent on me dit voyage, mais non, tu n'as pas encore utilisé ce mot-là. Pour notre part, le voyage c'est la vie. Donc je pense que j'associe le côté voyage à un côté, nous associons, je pense qu'on peut parler aussi au nom de Nathalie, nous associons le voyage à un côté consommation et découverte. Pour ma part, on se qualifierait plutôt de je sais pas s'il faut dire découvreur, on a eu longtemps est-ce que vous êtes des explorateurs, des aventuriers, c'est difficile de répondre à ces questions, mais voyageur, peut-être pas, parce qu'en fin de compte il y a cette volonté de découvrir et donc de se poser. Le voyageur est celui qui va enchaîner, qui va faire un tour du monde ou qui veut dire bah tiens, cette année je fais telle destination ou je fais telle destination. On s'est jamais trop reconnu dans cette formule. J'ai demandé à Nathalie, pour changer de voix et pour répondre à cette question, si vous n'êtes pas voyageur, vous êtes quoi ? Je pense que ce que l'on aime faire de plus en plus, c'est des immersions. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas appeler ça un voyage, c'est plutôt une vie. C'est plutôt la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par immersion ? Comment le définir ? Qu'est-ce que c'est que faire une immersion ? Une immersion, pour moi, c'est se fondre dans la population, enfin au sein d'une population, d'un peuple. Et c'est vivre avec les gens, vivre au quotidien avec eux, partager leurs moments, aussi bien les plus faciles que les plus difficiles, partager leur quotidien, voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on accède à des choses beaucoup plus vraies, on va plus profondément... au cœur de la vie des gens et on découvre plein de choses qu'on ne connaît pas. Quoi. Je voudrais compléter, ne pas en rester au niveau visuel, ne pas en rester à l'image graphique, je reviens de telle destination et j'ai ramené telle belle image. Quelque part, on souhaite comprendre ce qui se cache derrière l'image, qui est la personne que l'on photographie. Effectivement, comprendre, partager, mais aussi donner. Et tout ça, si on le fait de façon rapide, ben, on n'y arrive pas. Donc il faut aussi se faire accepter. Quand on fait une immersion, ben, on n'arrive pas comme ça dans un village au bout du monde. Et puis voilà, c'est nous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a ce côté rassurer, quoi, rassurer l'autre. Et puis montrer notre curiosité. Et je pense que dès que l'autre est convaincu de nos bonnes intentions, ben, les portes s'ouvrent. En vous écoutant parler, j'entends une envie de vivre ses rêves, de vivre la vie qu'on se choisit. Quelque part, il faut s'écouter. Bien sûr, il y a des modèles qui nous sont indiqués, il y a des voies qui sont tracées. Mais après, je pense que c'est à chacun de déterminer s'il est heureux dans ce modèle. Et quelque part, j'ai toujours eu pour habitude de dire un rêve, c'est bien, mais un rêve, il faut le vivre. Si on se sent bien, ben, il faut rester là où on est. Et si c'est pas le cas... Bah du coup, faut pas hésiter à changer. Et c'est pas parce que tout le monde rêve d'une belle maison, d'une grosse voiture, qu'il faut partir dans cette direction. Il faut faire des choix, il faut être en harmonie avec ce que l'on ressent. Et le modèle, quelque part, il est là pour être cassé, quoi. Pas volontairement, mais surtout si on n'est pas en accord. Donc moi, je pense qu'il faut pas avoir de regrets, il faut mener la vie qu'on aime. Et avoir un objectif, ne pas tout vouloir, hein, il ne faut pas avoir souhaité la réussite professionnelle, avoir faut pas avoir une multitude de choses et il faut faire des choix judicieux. Et on a aussi, au travers de notre expérience, vu que l'accumulation de biens matériels engendrait parfois plus de problématiques que simplement une sobriété souhaitée et voulue. Parce que posséder quelque chose et après devoir le défendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, passer sa vie sur du juridique ou passer sa vie à régler des problèmes, c'est pas, pour ma part, malgré les croyances, autant vivre celle-ci pleinement et de ne pas s'encombrer avec du superficiel. Donc, pas s'encombrer avec des problèmes que l'on va se créer. Donc j'aime bien le mot sobriété, hein, qui est peut-être une solution aujourd'hui à la frénésie, consumérisme qu'on vit tous dans nos quotidiens. Cette sobriété, c'est peut-être ça finalement qui peut nous amener vers une forme de bonheur. Oui, bien sûr. De toute façon, comme on dit, il faut être et pas avoir. C'est-à-dire avoir tout, on n'est pas forcément toujours heureux. Il y a des gens très riches qui ont des enfants et qui ont tout et qui sont très malheureux. Et par contre, il y a des gens qui ont très peu et qui sont très heureux aussi. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. La destination, en fin de compte, elle est venue de rencontres de voyageurs et aussi d'un constat. C'est qu'il y a des choses qu'il faut faire à un moment. Avant, c'est peut-être pas l'heure, mais après, c'est trop tard. Et du coup, nous avions connaissance que les choses allaient très vite sur le Groenland. Donc, lorsque nous avons lancé le projet, on a mûri le projet en 2008 et nous sommes partis en 2009 sur les conseils de réalisateurs qui nous ont dit c'est un pays magnifique, les choses vont très vite, allez-y vite. Et de voyageurs aussi qui nous ont dit le plus beau pays que l'on ait vu. Et c'était des gens qui commençaient à être âgés. C'est le Groenland et pourtant on a fait des tas de choses. Donc allons-y, mais on ne savait absolument pas pourquoi. On ne connaissait personne et on savait simplement qu'il n'y avait pas de route. Et que il fallait, si on allait au Groenland une fois encore, c'était pas pour y aller de façon superficielle. Donc on a imaginé un projet, c'était de parcourir le Groenland en kayak de mer. Donc nous avons utilisé deux kayaks comme on utilise deux vélos ou sa voiture pour pouvoir rallier les villages et voir ce qui se passait dans les villages. Donc à l'origine c'était un programme sur 3 années. Puis on a fait un petit peu de rave, nous en avons fait 6. Par contre, ce que nous n'avions pas imaginé, c'est que très vite, on a bien compris que pour comprendre ce pays, il fallait vivre l'hiver. Et donc, nous avons enchaîné la navigation 2011 avec un hivernage. C'est-à-dire que nous sommes allés nous poser dans une petite communauté où on pouvait espérer voir la banquise hivernale se former. Et nous y sommes arrivés au début de l'hiver, donc sous la neige, en ce lieu, donc qui est le village de Nuussuaq, dans le nord du Groenland. Et dans ce lieu, personne n'avait jamais entendu parler ni d'Alain ni de Nathalie. Et quand on est arrivé, ils ont ouvert des grands yeux. Mais nous avons passé 7 mois dans le village et nous avons passé 7 mois à les connaître, à partager énormément de choses. Donc ça part de quelque chose de matériel qui dit il faut y aller maintenant parce que ça va changer, on ne sait pas si les images qu'on pourra toujours les faire dans 10 ans, à quelque chose de très humain, et puis on s'est laissé absorber par l'histoire. Et à la fin de cet hivernage, nous avons été adoptés, comme ça se fait au Groenland, par un grand monsieur qui était l'équivalent d'un premier ministre ou d'un président de la République chez nous, qui était Bin Frederiksen, qui était président du Parlement dans les années 91-94, mais qui était surtout un grand chasseur, parce que les grands chasseurs, ce sont des personnes dégourdies, compétentes, qui savent se sortir de toutes les situations, qui sont capables d'analyser les problématiques. Et Bint, 3 jours avant notre départ de Nuussuaq, nous dit « Je suis votre père et vous êtes mes enfants ». Quelque part, il nous apporte le support de la famille, qui est très important là-bas. C'est-à-dire, quand on a une difficulté, c'est la famille qui intervient. Et dans ce sens, il ne voulait pas nous laisser partir sans cette garantie, cette entraide, cette solidarité qui existe dans les communautés du Groenland. Donc la destination est dévoilée, hein, le Groenland, tu l'as dit à plusieurs reprises dans ta réponse. Qu'est-ce que c'est que le Groenland? Comment le définir? On a du mal à s'imaginer ce qui s'y passe. Ça paraît être une destination tellement improbable, tellement lointaine, qu'on imagine mal qu'elle soit habitée. En fait, très peu de gens connaissent le Groenland. Même nous, au départ, on ne connaissait pas du tout. En fait, le Groenland, c'est 4 fois la France. C'est essentiellement la calotte glaciaire, avec sur son pourtour de la terre, où vivent cette communauté de personnes qui représente à peu près 56 000 personnes. La plus grande ville, c'est la capitale, c'est Nuuk, il y a 18 000 habitants. Bon, je parle beaucoup de chiffres. Mais après, les villages, ce qu'on appelle des villes, c'est des villes qui font 1 500 à 3 000, 4 000, 5 000 habitants. Et après, c'est les villages. Alors les villages, ça peut être de 25 habitants, je crois, le plus petit qu'on ait vu. Et après, 400, 500, 600 habitants. Mais c'est vraiment des communautés très petites. Et imaginez que dans un immeuble en ville, chez nous, il y a plus de monde que dans un village là-bas. ou même vous rentrez dans une pharmacie ou dans un magasin en France, il peut y avoir plus de monde que dans un village au coin de Land. Une autre image d'Épinal que j'ai quand je pense aux Inuits, je pense aux chants Inuits qu'on peut entendre avec un son à l'inspiration, mais aussi à l'expiration. Enfin, l'expiration comme tout le monde, mais aussi à l'inspiration. Donc cela aussi, c'est les voix de gorge, c'est des chants qui sont principalement pratiqués au Canada et pas au Groenland. Alors après, s'ils sont repris par les Groenlandais, ce n'est qu'une reprise, mais ce n'est pas à l'origine dans le Groenland et on ne les a pas vus dans les villages où nous avons séjourné. Par rapport à la mondialisation, effectivement, ils sont dans le temps présent, c'est-à-dire que l'économie que nous connaissons a pris un petit peu la main. Aujourd'hui, pour payer son électricité, on ne peut pas la payer avec un phoque. À l'époque, dans les villages, les gens troquaient, mais maintenant, il faut payer les bateaux moteurs, il faut payer l'essence, il faut payer les réparations, il faut payer le pétrole. Donc, il y a une quête de la monnaie. Et donc le travail rentre en ligne de compte et le travail contre rémunération. Donc on est proche du nôtre, mais on n'est pas dans les excès du nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est savoir se limiter. Puis en plus, il y a autre chose qui est une valeur, vraiment une valeur groenlandaise, c'est de ne pas attacher trop d'importance au matériel. C'est des gens qui sont capables de se défaire d'objets très très personnel, c'est-à-dire quand on va faire un cadeau, s'ils sont surpris, ils vont dire tiens, serre-toi sur les murs de la maison, ça peut être des objets, on va dire, de valeur, qui appartiennent à leur famille, qui ont une valeur historique, et ils vont vous les donner. La possession matérielle, c'est pas du tout leur style. Et on l'a vu par exemple sur les premières fêtes de Noël, où nous avions amené des objets. Mais au bout d'un moment, en plus, ces objets sont souvent distribués lors de... Bon, je pourrais revenir après à la fête des Mitak. Les gens rentrent chez vous à un moment déguisés. Et donc, ils vont se mettre à taper des pieds, à tourner sur eux-mêmes déguisés. Donc, vous ne savez pas qui c'est. Et pour qu'ils s'en aillent, on leur remet un cadeau. Mais très souvent, c'est des cadeaux personnels. Et à la fin de la période de fin d'année, donc c'est-à-dire ça peut être fin décembre, début janvier, les maisons sont vides, il n'y a plus de mugs pour prendre le café parce que tout a été donné, alors que la boutique est vide. Et nous, on va acheter des cadeaux, mais on ne s'est pas donné nos biens. On va dire non, mais c'est ringard, s'ils donnent des biens, ça veut dire que tu n'as pas le financier derrière, ça ne se fait pas. Alors que là-bas, au contraire, ça se fait et c'est une marque de valeur. Donc voilà, on est un peu bousculé dans nos certitudes, parce que bon, notre matériel d'expédition pour continuer à naviguer et tout, qu'est-ce qu'on va donner? Tout ce qui est avec nous, on pense en avoir besoin. Voilà, donc ça secoue un peu les fondamentaux. Par rapport à cette notion de valeur, une valeur que je trouve assez terrible, on a même attribué chez nous une valeur au temps, en mettant cette phrase terrible, le temps c'est de l'argent. Quelle est la notion du temps là-bas au Groenland? Les Groenlandais vivent au jour le jour et vivent l'instant présent. Essentiellement, hier, c'est passé et demain, ça sera demain. Et puis aujourd'hui, c'est surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pense vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui. On a demandé des fois à des gens, qu'est-ce que vous allez faire tel jour? Est-ce que ton fils va à l'école à Upernavik? Quand est-ce qu'il part et tout? Alors qu'on savait que ça allait être imminent, donc dans les 2-3 jours. Et en fait, il nous dit, je sais pas. Et deux jours après, il nous dit, oui, Outonia, elle est partie à l'école à Upernavik. Donc voilà, donc il n'y a pas de notion de temps spécifique. Non, il n'y a pas de planification. Et en plus, tous les événements se font tout au dernier moment, c'est-à-dire il n'y a rien de prévu. C'est très rare que quelque chose soit prévu à l'avance. Quand par exemple il y avait la rentrée des classes, elle était prévue telle date, mais en fait les profs n'étaient pas là parce qu'ils étaient encore en séminaire juste avant la rentrée des classes. Ben, en fait, la rentrée des classes, tous les jours on disait mais quand c'est la rentrée des classes, et en fait ils étaient incapables de nous le dire. Et puis tout d'un coup on a vu des enfants qui nous ont dit ah, la rentrée des classes c'est demain, mais alors on s'est dit comment ils l'ont su et tout, et en fait c'est affiché au village, il y a deux endroits, à la boutique et puis au bâtiment qui ressemble un peu à la mairie, où les gens affichent des messages et tout le monde est au courant à ce moment-là. Parce qu'en fait, ils passent devant automatiquement plusieurs fois par jour et ils le voient. Et donc, tout le monde est au courant. Je reprendrai ou je compléterai avec, nous avions écrit sur notre site un petit texte qui est « Là où le temps est maître ». Aujourd'hui, on cherche à maîtriser le temps. Tout doit se passer comme on l'a prévu. Alors que là-bas, ce n'est pas le cas. Pour arriver sur sa vie civique, là où a été tourné le film, si tout va bien et si on regarde les billets de vol, on y arrive en 4 jours. Mais notre dernier déplacement, nous y sommes arrivés en 14 jours. Mais ça peut aussi bien être en 3 semaines ou en 1 mois. Mais la même chose pour le retour. Donc, on ne maîtrise pas le temps. Le temps est là et le temps, la météo, nous on a 3 flocons qui tombent, ou du moins un enneigement sur les routes du sud de la France, et ça fait la une des journaux. Où est le responsable qui a fait qu'on n'a pas pu arriver à destination? On a perdu cette notion de cette relation avec le temps. Là-bas, bah, le chasseur est en phase avec le temps. Quand le temps ne s'y prête pas, bah, il reste à la maison. Ça peut même être resté sous la couette, donc ça fera plaisir à certains. Mais en général, il est assez actif, il va réparer son matériel. Mais il n'y a pas... On vit avec un rythme naturel. On ne se force pas, on ne va pas à contre-courant. Ça, c'est très important. Après avoir parlé du rapport au temps, j'aimerais qu'on parle du rapport à l'environnement. Quelle est la place de la nature, des éléments dans le quotidien des habitants du Groenland? La nature est forcément au centre de la vie groenlandaise, principalement par rapport à ses ressources, à cette manne de ressources. C'est-à-dire que même si les gens ne sont pas chasseurs professionnels, il y a tout le temps cette relation avec la nature qui est une nature nourricière. Un phoque va nourrir les chiens, mais va aussi nourrir le foyer, il va nourrir le voisin. On s'est retrouvé avec du phoque accroché à la porte de chez nous sans rien avoir à demander. Donc je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Après, certains vont dire, bah oui, je suis passé au Groenland et j'ai vu qu'il y avait des décharges dans les communes. Oui, effectivement, on a vu que sur une communauté de 50 personnes, ça représente un amas de déchets qui reste sur la communauté. Mais est-ce qu'on ne doit pas aussi s'interroger en disant, bah tiens, si ça fait tout ça sur 50 personnes, combien ça peut représenter dans ma propre ville? Voilà. Donc, c'est vrai que si on regarde 50 ans ou un siècle en arrière, les Groenlandais jetaient tout ce qui était... tous leurs déchets étaient jetés par les fenêtres ou en tout cas autour des maisons. C'était du biodégradable, c'était des restes de phoques. Aujourd'hui, bon, dans certains villages reculés, on peut avoir encore le même comportement, mais ils ont gardé cette façon de faire, à part que c'est avec du plastique. Donc bah, c'est pas terrible. Bon, ça s'attend à rentrer dans l'ordre. Des campagnes ont été mises en place. Mais voilà, si on est en harmonie maintenant, si on a plus d'emballage pour vendre tel ou tel produit que l'on va retrouver sur des étals de grande surface, bah, effectivement on va avoir plus de déchets. Donc peut-être qu'il faudrait être moins vendeur si on veut s'occuper de l'environnement. Ce que l'on dit, c'est que quand on pose la question quelle est leur position par rapport à l'environnement, par rapport au réchauffement climatique, et ça c'est un discours de chez nous. Bien sûr qu'ils ont constaté des choses, ils ont constaté une diminution de la banquise à peu près 1,60 m sur 2 m. C'est-à-dire que quand on posait la question, mais comment ça se passait avant, quel était le contexte lorsque Bint chassait et pêchait? Ben on nous disait, Bint, quand il allait pêcher sur la banquise, il façonnait des escaliers, un escalier pour descendre, il disparaissait complètement dans la glace. Aujourd'hui, elle fait plus que 40 cm. Donc nous, et à l'aube de la COP 21 qui arrive, on parle énormément. Mais dans les faits, ce que l'on constate, c'est qu'on agit très très peu. Et quand on agit, c'est qu'il y a du business derrière. Mais s'il y a une action qui consiste à être en phase avec ce que l'on dit, et s'il y a peu ou pas de business, il n'y aura pas d'action. Je reviens à mon enfance cette fois. Quand je pense au Groenland, je pense aux Esquimaux, je pense aux Inuits et je pense aux bisous qu'ils font en se frottant le nez. C'est une image. C'est une image. Alors, dans la réalité, ce qui se passe, c'est effectivement... Nombreux s'embrassent sur la bouche, et quelle que soit la génération, c'est-à-dire que le père de famille va embrasser les enfants, le cousin. Donc il y a ce bisou sur la bouche qui revient souvent, mais le bisou sur le nez, ou du moins le fait de se frotter le nez, pas sur les communautés du Nord-Groenland. Peut-être plus sur le Canada, mais là je pourrais pas en parler. Voilà. Après il y a d'autres petites coutumes. Qui pourrait nous surprendre, qui seront proches de ça, bah c'est les parents qui nourrissent leurs enfants, qui donnent la béquille aux enfants, comme pourrait le faire un oiseau ou certaines catégories d'animaux. Donc c'est très simple, c'est que quand on n'a pas toute une alimentation commercialisée spécialement pour les enfants, la mère ou le père va prémâcher les aliments, et puis du coup ça va donner des bébés hyper costauds et très très tôt. Donc il faut faire la part des choses chez nous entre ce qui est du commercial et ce qui est ce qui fonctionne. Voilà, donc ça c'est là aussi c'est très intéressant. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Pour terminer, on va reprendre avec nous le DVD, donc L'âme de la banquise. Qui c'est qui a envie de me raconter ce qu'on va découvrir en le regardant? Je peux commencer, et puis Nathalie, je sais pas. Donc, l'âme de la banquise, c'est une partie de l'histoire. C'est comment une navigation, comment une quête arrive à son apogée, justement au travers de cette adoption. Donc à la fin de l'hivernage, quand Bint nous dit je suis votre père, il nous envoie. Il sait que nous allons passer sur sa vie civique, et donc il rencontrait son neveu Oulingouac, qui est un des derniers chasseurs d'ours polaires. Et du coup, nous avons eu le privilège de partager la vie d'Oulingouac pendant de nombreux mois et des journées entières avec lui sur la glace. Donc le voir fonctionner, l'entendre dire j'ai froid, donc ça nous rassurait, parce que j'étais, parce que là en ce moment là nous sommes très souvent, la première année c'était à tour de rôle, soit Nathalie soit moi, les années suivantes nous faisions des campagnes de une semaine, mais voilà, c'est un petit peu découvrir ce monde de l'intérieur et découvrir un monde assez méconnu. C'est une immersion dans l'endroit le plus authentique, parce que, comme je l'expliquais au début, maintenant l'économie a pris le pas, mais dans cette terre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre économie possible. Et par contre, c'est une terre très giboyeuse. On est à 300 km des autres villages. Donc, il n'y a que de la glace, des ours polaires et puis d'autres rencontres. Donc, ça a été l'occasion de voir comment les gens vivent isolés dans le Nord-Groenland. Donc, ça a fait ce DVD, ça a fait des images que l'on trouve sur notre site, ça a fait un livre qui porte le même nom, donc L'âme de la banquise. Ouais, c'est bien, donc c'est bon, ça me bat. Donc l'âme de la banquise, tu as redit le titre, je vais peut-être aussi donner le site internet, je ne sais pas s'il existe, si on le voit. Alors le site c'est phototeam-nature.com, ou sinon avec notre nom, Nathalie Alain Antonielli. Aussi bien le DVD que le livre, vous pouvez les trouver sur le site. Nathalie, Alain, merci à vous. Merci. Merci. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher.